7 A. 1. Et comment tu réagis quand tu lis ton journal dans le train et quelqu'un s'assoit à côté de toi et se met à lire ton journal par-dessus ton épaule? Ça m'arrive tous les jours. C'est très désagréable. Et en général, je plie mon journal et je le range dans mon sac. Et toi? Moi, ça m'est arrivé hier. Et qu'est-ce que tu as fait? Je lui ai offert mon journal. Vraiment? Heureusement que tu ne prends pas le train tous les jours. 2. Dis-moi, Camille, comment tu réagis quand tu es dans un magasin en train de faire la queue pour payer et que quelqu'un te passe devant? Quand je fais la queue pour payer et que quelqu'un me passe devant, sans me demander la permission, je reste très calme et je dis très froidement à cette personne que je suis très pressée. Et ça marche? Oui, en général, ça marche. La personne s'excuse et me laisse passer. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans cette situation? Moi, je préfère ne rien dire. Alors tu laisses la personne passer devant toi? Oui, parce que j'ai horreur des affrontements. 3. Tu salues tes voisins, toi, quand tu les rencontres? Oui. Par exemple, je rencontre souvent mes voisins dans l'ascenseur le matin, quand je pars en cours. Alors, on se dit bonjour, et puis on fait souvent un commentaire sur le temps. Il fait froid ce matin. Oui, mais c'est normal pour la saison. Et toi, tu ne parles pas à tes voisins quand tu les rencontres? Oui, mais on se dit juste bonjour, mais pas plus. Ah, ils sont comme ça, les Parisiens. 4. Et qu'est-ce que tu fais si deux camarades de classe veulent copier tes devoirs? Ça dépend de ma relation avec elles. Si nous sommes amis, je les laisse copier. Pas toi? Non, moi je trouve ça très désagréable qu'on me demande de copier mon travail. Même si ce sont des amis? Précisément si ce sont des amis. Je trouve ça très malhonnête et un manque de respect pour moi. C'est une façon de m'utiliser. Oh là, je vois que je ne vais pas pouvoir te demander de me passer ton exo de maths pour demain. Non, si tu veux qu'on reste amis. Mais je peux t'aider à faire l'exercice si tu as du mal.